Voilà, c'est l'intempestive. Bah, déjà, est-ce que tu peux. Est-ce que. Ouais, on va comment... on va faire un truc chronologique. Voilà, Est-ce est-ce que que. tu Est-ce me que... mettras du Antonin Artaud? Moi aussi, j'adore. Oui, je te mettrai du Antonin Artaud, bien sûr. C'est mon indicatif général. Je le fais crier à chaque début d'émission. C'est parfait. C'est un super bon enregistrement, puis cet enregistrement qu'il a fait. Je sais, en 47. Voilà. Mais En ils en plus, il reparlaient encore termine. sur France Intox à midi, figure-toi. C'est vrai? À Incroyable. Richemodo, te redirai! Voilà, tu vois, je connais. Il connaît donc Antonin Artaud et lui, c'est Étienne Bastide, un des fondateurs de Radio Galère, puisqu'on poursuit aujourd'hui dans l'Intempestive la série d'émissions sur l'histoire des radios libres en s'intéressant à celle de cette radio militante basée à Marseille. Est-ce que tu veux te présenter pour commencer? Moi, je suis né à Paris, je suis arrivé à Marseille qu'à l'âge de 17 ans. Et c'est une ville absolument extraordinaire. Par rapport à Paris, on a le sentiment de pouvoir faire les choses dans la proximité. Et pas forcément dans des strates ou des segmentations de population qui seraient séparées les unes des autres, soit par la classe sociale, soit par le métier, soit par. On a l'impression qu'on peut faire beaucoup plus de choses à Marseille qu'on peut en faire à Paris. Voilà. Tu as l'impression d'être perdu dans la foule quand tu es à Paris. C'est le sentiment que j'en avais. Quand je suis arrivé à Marseille, on était vraiment dans un espace différent, déjà, d'entrée. Qu'est-ce que je peux te raconter? Bon, donc ici, il y a des gens qui se réunissaient dans les caves, qui étaient les gens des Amis de la Terre. Et avec un certain nombre d'autres personnes militantes et volontaires, ils ont formé une association pour la libération des ondes. Parce qu'il y avait déjà Radio Verte Fessenheim, il y avait déjà Radio Rouge à Belfort, il y avait les radios de la CGT En là-haut, Lorraine. hein, en Lorraine Cœur d'Acier, etc., etc. Et donc, Association pour la libération des ondes, ils ont tenu quelques réunions. Moi, je suis allé, je crois que c'était la deux, troisième ou quatrième, on n'avait pas vraiment commencé. Ça s'est Donc, créé à Marseille, ça ça. s'est créé à Marseille. Ouais. Voilà, on est dans les années 79, 70, ouais, à peu près par là, quoi. J'ai pas de date exacte en tête. Moi, j'ai connu ça parce qu'avec un certain nombre de gens, on avait déjà des idées, il y avait un petit journal qui sortait, une espèce de magazine, tu vois, et des fêtes qu'il était question d'organiser dans les quartiers, des fêtes la différence et des choses comme ça. Et donc, avec ce noyau de gens qui étaient des lycéens, des étudiants principalement, et des militants un peu plus affirmés, ceux qui étaient. Au sein des Amis de la Terre. Donc il y a eu cette réunion où des gens, de bouche à oreille, se sont donné le mot pour se réunir. Donc moi, je te dis, je suis venu à la deuxième ou troisième réunion. Le nom de la radio était déjà choisi. C'était Béton, Radio Béton. Alors moi, j'ai trouvé la baseline, j'ai dit, ah oui, Radio Béton, le béton est armé, pourquoi pas vous? Tu vois, quand j'étais jeune, j'étais agile et intelligence vive. Ce n'est plus le cas maintenant, évidemment. En vieillissant, on perd ce genre de réflexe. Donc, voilà. Parce que j'ai Radio Béton, moi, je trouvais ça un peu con. Mais en même temps, tu n'arrives pas dans un groupe et en disant, ouais, vous êtes des cons, on ne peut rien faire avec vous. Voilà. Donc, il y avait ça. Et très vite, donc, il y a des copains, des bidouilleurs qui ont fabriqué des émetteurs. Avec leurs petites mains, hein, à partir de schémas qu'ils avaient trouvés. Je sais pas trop où, à la fac, ou voilà. Et donc c'était des émetteurs de 1 watt. Avec 1 watt, compte tenu qu'il y avait sur la bande FM que France Culture, France Musique et peut-être déjà France Inter, ouais, quand même. Il y avait 3 fois la voix de son maître. Mais il y avait de la place, quoi. Il y avait toute la place qu'il faut. Avec 1 watt, depuis la colline, on entendait à peu près correctement en ville. Donc. Mais bon, on est très vite passé à 10 watts parce que non, ça passait pas tellement les barres de béton derrière, ça passait mal. Ça mettait sur la fréquence où est Radio Galère aujourd'hui? Pas du tout. On choisissait la fréquence et on signalait les premières fois, on a signalé les fréquences, où on affichait les fréquences, tout ça. Et bon, on faisait à peu près, on préparait 20 minutes d'émission, c'est tout. Sur une petite cassette à la coin, avec de la musique, avec Lavilliers, tu vois, parce que Lavilliers, c'était révolutionnaire dans ce temps-là, tu l'entendais. Ou Renaud, tu l'entendais pas sur France Intox. Donc, tu l'entendais pas sur Europe 1, tu l'entendais pas non plus sur les... Hein ? C'est logique, hein, c'est normal, c'était de la musique qui dérangeait, tu vois. Et c'est, voilà, donc c'était ça. Plus les cris de révolte de gens qui sentent qu'ils n'ont pas la parole. Il y a un peu des... Bon, c'est assez divers, hein. T'as des gens qui faisaient un peu leur tract, d'autres trucs. Bon. Et puis c'était assez inventif, on délirait bien. Donc on a fait ça pas très longtemps, parce que assez vite, donc le mec de TDF, il y a un mec à TDF qui a reçu l'ordre de brouiller quand on émettait. Donc au départ, il n'était pas d'une grande rapidité. Il faisait exprès d'arriver dans les 5 dernières minutes. Genre, ouais, on change la fréquence, hein. On se déplace, puisque ça fait bip, bip, bip, on change, donc on baissait un tout petit peu, tu vois. Et le signal restait coincé sur là où le mec l'avait mis. Bon, et puis 5 minutes après, il venait brouiller cette fréquence-là. Et puis au bout d'un moment, donc, ils ont eu marre, ils ont mis un brouilleur automatique, hein, qui, dès qu'il y avait quelque chose sur une fréquence qui n'était pas attribuée, voilà, balancer un signal. Donc on n'a pas pu. On avait pourtant un autre projet qui s'appelait Radio Pipo, la radio des chiffres, et très provençal aussi. On n'a pas pu faire. On s'est contenté de faire Rock Against Police, des trucs un peu hard, méchants. Il y avait plusieurs radios pirates sur Marseille ou... Alors, il faut savoir que notre émetteur, on l'a prêté à la SAM. Il y avait les établissements de terrain. Enfin, c'était la réparation navale. Les mecs étaient en lutte. On leur a prêté l'émetteur. Ils n'en ont pas fait grand-chose. Ils s'en sont servis un peu, je pense. Et puis, on se le partageait, quoi. On avait fabriqué un second. Enfin, je sais plus. Voilà. Mais bon, ce qui était marrant, c'est d'arriver avec l'antenne parapluie en moto sur la colline. Avec le truc à pile, et brancher l'émetteur sur la batterie de la moto ou de la voiture, hein. C'était plutôt rigolo, on s'amusait bien. Voilà, ça durait 20 minutes par semaine, et bon, nous on s'est pas fait prendre, il y a une fille qui a perdu son boulot à l'époque, mais qui l'a retrouvé depuis, au rectorat, parce qu'elle avait écrit « Écoutez Radio Béton sur la fréquence, je m'en rappelle plus, sur le mur de la préfecture, alors même qu'elle était employée par la préfecture, tu vois, c'est un peu con. » Donc elle a perdu son travail. Mais comme elle avait des grandes manches, après, elle l'a retrouvée entre-temps. Je crois qu'elle y travaille encore. Mais il y a nos copains de micro-trottoir à Toulon. Eux, ils se sont fait choper. Ils se sont fait... C'est des méchants anards. Et ils se sont fait prendre leur émetteur. Parce que, tu sais, à Toulon, il y a le Mont-Faron. Il n'y a qu'une route qui va au Mont-Faron. Eux, ils ont décidé d'émettre du Mont-Faron. Ils auraient pu aller un peu ailleurs. Il n'y a qu'une route. Donc les mecs, ils ont tout simplement attendu en bas. Ils leur ont pris l'émetteur et ils ont fiché les gens. Je crois pas, ils ont dû avoir une amende, même pas. Il a eu un procès, le mec, je crois, pour violation du monopole. Voilà, c'est ça. Ouais. Le complot des cagoles, une émission féministe, tous les premiers mercredis du mois sur Radio Galère 88.4. Attention, les cagoles complotent. J'écris de chez les mouches. Pour les moches. Les vieilles. Les camionneuses. Les frigides. Les mal baisées. Les imbaisables. Les hystériques. Les tarés. Toutes les excluses du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là. Pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Je viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucun d'autre. Parce qu'être vergie d'espente me semble d'être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser, dès qu'ils sentent le sexe, et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celles-là. Bien sûr, que je n'écrirais pas, c'est que j'écris si j'étais belle. Belle à changer l'attitude des hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Quand j'étais au RMI, je ne ressentais aucune honte d'être une exclue. Juste de la colère. C'est la même en tant que femme. Je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là. On a toujours existé. Même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes, qui n'imagine que des femmes avec qui il voudrait coucher. On a toujours existé, on n'a jamais parlé. De retour dans l'intempestif sur Fréquence Paris Pluriel, on vient d'entendre un extrait du complot des Cagoles. C'est une nouvelle émission féministe qui a démarré récemment sur Radio Galère, qu'on salue au passage, et qui lisait des extraits du livre de Virginie Despentes, King Kong Theory. On revient tout de suite avec Étienne Bastide, un des fondateurs de Radio Galère, qui nous parle du mouvement des radios libres à Marseille. Bon, on a fini avec les pirates. Donc arrive 81. Donc parmi les promesses de Mitterrand, il tient celle-là, et l'abolition de la peine de mort. Je crois que c'était des parties de... Ça fait deux des 150 points de son programme, quoi. Je crois que c'est à peu près les seuls qu'il ait tenus. Non, je suis méchant. Et donc, tout le monde se réjouit. Ha, ha, ha, on va pouvoir faire de la radio. Et donc, nous, on commence avec une radio qui s'appelle Radio Point Zéro, si on était vraiment au Point Zéro. Et après, juste dans la foulée, comme on rassemble un peu plus de monde et tout ça, on l'appelle radio provisoire. Ça, c'est des radios, tu parles de radios qui sont... Là, c'est en 81. Non, pas légal. Pour l'instant, on est dans une espèce de no man's land qui va durer jusqu'en 84. Ouais. Hein, voilà, donc... justement, il va y avoir... Bon, au départ, c'est... on met les antennes tout en haut des maisons. Hein, dans des quartiers relativement hauts de la ville de préférence, hein, et on balance 150 watts, quoi. Hein. Donc nous, on a commencé chez une copine qui était à la rue Consola, après une copine qui habitait, on changeait de temps en temps, tu vois, puis après on est venu chez moi, pendant une semaine ou un peu plus, enfin, après on est allé sur d'autres immeubles. Bon, au fur et à mesure, on changeait d'appartement, mais c'était toujours légal. Et là, on a commencé à brancher des téléphones sur l'antenne, un peu du bidouillage, des trucs comme ça. Bon, c'était une période un peu bénie, hein, où tout le monde écoutait les radios libres du coin, où quand tu appelais à téléphoner, il y avait une foultitude, ça faisait exploser les standards. Donc c'était vraiment une période de... Voilà. Mais très vite, il y a eu la bataille des fréquences, c'est-à-dire que des gens qui pensaient pouvoir tirer de l'argent de ça ont commencé à faire des radios commerciales ou des radios variétoches, des trucs qui ne présentaient pas l'intérêt. Nous, on avait envie de briser le monopole au départ, c'était parce qu'on avait des choses à dire et parce qu'on voulait aussi que d'autres laissaient la parole à d'autres. Hein? Et c'était quoi justement le type de programme que vous aviez à ce moment-là ? Il y avait des programmes d'analyse politique, bien sûr, enfin globalement, quoi. Sinon, on faisait aussi des choses complètement déconnantes. Moi, j'écrivais des contes, tu vois, des machins, des comptines, des trucs comme ça. Ça plaisait à mes enfants, tu vois, qui étaient tout petits, voilà. Tu vois? Et bon, ça passait bien à la radio, avec un peu de musique et tout. On disait des poèmes, on faisait des trucs comme ça. Et puis aussi, quand même, on parlait de la vie de tous les jours et de ce qu'on avait envie et qui change, quoi. Mais ça n'empêchait pas qu'on se marre. Enfin, je me rappelle, avec le copain là, qui est maintenant à CQFD, lui, il faisait Jacques Mesrine. On faisait une interview exclusive de Mesrine dans une cave. Tu vois, des conneries. Des fausses interviews. Bon, des conneries, quoi. Ça a été une période assez rigolote. Hein. Bon, et puis petit à petit, quand même, les choses se sont un peu institutionnalisées, les créneaux plus rigoureux, plus de monde, et puis la décision après, parce que c'était plus possible chez les uns chez les autres de se faire squatter pendant des nuits entières, devenait fou, même si ça changeait souvent, on a fini par se décider à mettre en place un local. Voilà, donc on a mis ensemble nos petits sous, on a acheté des matériaux, beaucoup de gens ont participé à la construction du studio à l'intérieur d'une espèce de grand loft qu'on avait loué au boulevard des Dames, dans un truc qui s'appelle le domaine ventre, hein, au sens de, tu vois, des halles. Hein, c'est un peu. Voilà. Au-dessus, il y a des gens qui habitent, mais il y a beaucoup d'ateliers de confection, des trucs comme ça. Tu vois, c'était un peu avec, y compris des ateliers de confection illégaux et des conneries comme ça. Là, tu parles toujours de radio provisoire. Okay. Je parle toujours de radio provisoire. Donc, au-dessus de chez nous, justement, se sont installés les copains de Gazelle, avec qui on n'avait pas le même projet. Nous, c'était vraiment une radio du mélange, une radio à caractère politique. Eux, c'est une radio à caractère communautaire. Voilà. Mais très large, hein, communautaire, très large. C'est après seulement qu'ils ont dérivé vers uniquement arabo-musulmans, puis après ils se sont aperçus que c'était un peu coincé, alors ils ont un peu réouvert, mais entre-temps la plupart des gens étaient partis. Enfin voilà, c'est plus l'équipe originelle de Gazelle. Mais dès l'entrée aussi, il y avait ce problème de la pub qui nous séparait, c'est-à-dire que nous on ne voulait pas de pub à la radio, on savait que ça serait source d'embrouille. Mais d'ailleurs, là, voilà. tu dis que la loi était partie prenante de la création des premières radios pirates. Non, c'était pas la loi. Tu me dis la loi était partie prenante. La loi. Ouais, non, mais ça c'est vite, ça c'était fini ça. Parce qu'à un moment, la loi a pris position pour la publicité. Et nous, on a créé la FNRL à ce moment-là. On a dit qu'on n'était pas là pour donner du cerveau libre à Coca-Cola. C'est marrant parce que cette expression qu'on avait. Je me souviens très bien qu'on avait écrit le texte à l'époque, a été reprise mot pour mot, après par Moujotte, mais lui en revendiquant que ça soit ça. Et nous, on avait déjà écrit à l'époque qu'on ne voulait pas de ça. Quoi. Mmh. c'est plutôt rigolo. Mmh. Voilà, donc on a fait la FNRL, puis la CNRL, Confédération Nationale des Radios Libres, dans la foulée après, quand il y a eu des soucis au sein de la FNRL. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est quitté. Bon, là, il y avait donc cette espèce de bataille de la puissance, parce que là, tu m'as un peu fait perdre le fil chronologique, où on avait de plus en plus de mal à se faire de la place. C'est-à-dire qu'en plus, on avait nos locaux, on avait bricolé une table de mixage. Il y a un copain allemand qui a fabriqué, avec ses petits doigts, qui avait tout fabriqué. La table de mixage, les micros, c'était des simples puces de micro avec des fils soudés dans des tubes en plastique, tu vois, c'était vraiment du bricolage absolu. La radio provisoire, c'était un bricolage de folie. Et alors là oui, il y a eu, ça a commencé à fonctionner. D'abord, on commençait à 6h du soir pour finir à minuit, puis après on a étendu jusqu'à toute la journée. D'accord. Puis après, on a trouvé des systèmes pour rediffuser des choses la nuit avec des vieux magnétophones à bande. Bon, on a fini par occuper tout l'espace. Hein. Mais il y a eu toute une période où c'était vraiment du délire. C'est-à-dire, on avait une assemblée générale tous les lundis, il y avait 60 personnes, on se mettait sur la gueule, on se régalait, et putain, c'était bon. Voilà. Non, mais c'est vrai, on s'engueulait bien. Ça fait plaisir. Parce que, bon, justement, il y avait des gens qui prétendaient à groupiser l'ensemble de la radio et avoir toujours raison sur tout. Et bon, c'est pas possible, ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Hein, voilà. Donc, voilà, 60 tous les lundis, c'était bien délirant. Il y a eu des trucs fumants. Hein. Comme on était violemment antifasciste, on recevait des rats-morts par courrier. Ça correspondait avec la montée du Front National et des trucs comme ça. Voilà. On nous coupait l'électricité, on nous sabotait, enfin, il fallait tout. C'est la merde. Il y a eu des moments aussi où des trucs plus rigolos. On était juste en face du Contact Club, qui était un truc qui s'adressait aux jeunes du quartier. Et la radio, c'était l'annexe du Contact Club, et réciproquement. Et les jeunes, des fois, bon, il y en a, ils montaient avec une roue de secours qui venait juste de piquer sur une bagnole à côté. Bon, c'est pas bien, hein. J'ai pas dit que c'était bien. Voler, c'est bien, piller, c'est mieux, disait Libération à l'époque. Mais nous, on n'a jamais pensé ça, non. Et donc, ils sont arrivés à coups de lacrymo et tout, ils ont essayé de défoncer la porte. Les mecs à l'intérieur, ils ont appelé au secours. Il y a des gens de chez nous qui sont allés, bon, qui ont négocié avec les flics pour qu'ils rendent la roue sans se faire interpeller, enfin, des conneries. Enfin, vous voyez le genre. Donc, c'était pas mal. Voilà. Et donc, en plus, on avait des disques, des vinyles, des platines vinyles et tout, mais chacun devait arriver le plus souvent avec son diamant, parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. Le fond de la radio de disques, il y avait guère que des merdes, donc il fallait amener ses propres disques si tu ne voulais pas te retrouver avec Mireille Mathieu. Quoi. Bon, truc délirant à propos de Mireille Mathieu. Sa boîte de disques nous avait envoyé son nouveau disque. Alors, en direct, on dit « Ouais, on a reçu un disque de Mireille Mathieu !» Et on le pète en direct à l'antenne. Et dès le lendemain, on a reçu un autre signé de Mireille Mathieu, sans rancune et tout. Voilà. Adressé à la direction de la radio, c'est comme s'il y avait une direction. Enfin, voilà. Donc là, c'était bien délirant, quoi. Non, ça, c'était une bonne période. Mais tu sais, le ciel est toujours plus bleu quand on est jeune que quand on vieillit. Ça durait jusqu'à quelle année, Radio Provisoire ? Oh, ça a duré jusqu'en 83, fin 83. Donc, il y a eu la haute autorité présidée par, comment elle s'appelle déjà, Madame Cotta. Madame Cotta. Donc, s'est enfin occupée de ses provinces. Hein. Et donc, ici, ils ont décidé qu'on devait se marier avec Gazelle. Et c'était pas possible, évidemment, puisque c'était pas, même si on n'avait pas d'inimitié. Pour partager la fréquence. Pour partager une fréquence, on leur a dit non, c'est pas possible, nous, on fera pas ça. Et donc, on a fait un autre mariage, donc Gazelle a eu sa fréquence toute seule. Et nous, on a réussi à rassembler sur notre projet des gens qui étaient issus du Conseil Général, mais. Qui avait monté donc un petit studio et des trucs comme ça, mais qui à un moment donné donc s'était fait, qui avait perdu la maîtrise du projet avec un directeur qu'ils avaient salarié avec des fonds, j'imagine publics, et plus ou moins le mec il faisait plus que demander leur conseil d'administration, donc ils ont décidé d'abandonner purement et simplement leur projet à notre profit. C'était bon, les gens du Conseil Général et du Grand Orient de France, c'était les francs-maçons un peu qui était derrière ce projet-là. Il n'y a pas eu de souci avec eux pour fusionner. Aucun. Et pourquoi vous étiez plus d'accord d'aller avec eux qu'avec Radio Gazelle ? Mais ça, parce que justement, c'était, le projet, c'était un projet citoyen, revendicatif, dans le sens de la défense d'un certain nombre de valeurs, et pas simplement un tissu d'arlequins de communautés qui sont liées simplement par l'envie de parler dans leur langue d'origine et qui ne leur est pas commune. Donc nous, on se foutait de savoir si c'était Farid ou Mustapha qui faisait du bon rock'n'roll, du moment que c'était du bon rock'n'roll. Voilà. Donc il y a eu toujours toutes les populations de Marseille dans ce projet-là, il n'y avait pas de souci. Et bon, même y compris, je veux dire, il a reproché à un moment donné à Galère d'être très offensive, y compris dans les manifs où les gens étaient ensemble pour faire des trucs pas forcément très, très respectueux des forces de l'ordre, hein, si on peut dire ça. Voilà, donc Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, oui, c'était quand même une période difficile. Hein. Mm. Il y a eu la montée du FN à Marseille, c'était violent. Parce que justement, les jeunes ne supportaient pas ça. Et ils avaient raison. Mais il y avait guère que nous pour dire ça. Il y avait un journal quasi-fasciste qui était le Méridionnal, hein, et le Provençal qui prenait des gants. La Marseillaise, évidemment, mais elle n'a pas un public, elle n'avait pas un public de jeunes, la Marseillaise, le journal La Marseillaise. Donc bon, il n'y avait guère que nous. D'ailleurs, on a été, je crois, la seule radio en France dont le Front National a demandé l'interdiction. Comme nous, nous demandions d'ailleurs l'interdiction du Front National. Voilà. Là, tu parles de Radio Galère maintenant. Non. Toujours de Radio Plus Haut. Oui, on est à la limite des deux. Hein. Mmh. Donc on a marié avec cette radio qui s'appelait Radio 13 et avec la radio, une radio rock'n'roll qui s'appelait Radio Soleil, je crois. Je ne sais pas, c'est marqué dans la chatte, il faut regarder, je ne me rappelle plus du nom de la radio. Eux, on leur avait cédé des nuits de rock'n'roll. Bon, et au bout d'un moment, comme tous les gens qui sont un peu simplement sur des projets de j'anime une émission, finalement. Ils ont pas animé toutes les nuits. Alors après, on a fait des concerts, on a fait des trucs un peu rudes, tu vois, genre, on a organisé des concerts avec les Berruriers Noirs, voilà, la vie troll, hein. Enfin, je sais pas, des petites de choses comme ça, quoi. Hein? Donc la radio, à un moment donné, était très, très comme ça. Bon, et donc là, c'était Galère. Galère, c'est le rassemblement de ces trois radios, groupement associatif pour la liberté de l'expression radiophonique. Voilà. D'accord. Et dans le même temps qu'est venue l'autorisation, donc acquise début 2004, est venue aussi la reconnaissance des institutions, dans le sens où l'histoire, je pense que tu as déjà retracée, du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc le fonds de soutien à l'expression radiophonique, on l'a acquis dans une bataille où la presse quotidienne régionale avait peur que les radios lui piquent sa pub. Hein, ça, je pense que tu l'as bien vu. Et il y a eu cette reconnaissance-là, et puis juste derrière, donc il y a eu des subventions aussi du FACIL. Hein, et ça a permis de créer des postes. À l'intérieur de la radio. C'est ce qui soutient la lutte contre les discriminations. C'était le fonds d'action et c'était le FAS à l'époque, hein, c'est le fonds d'action sociale qui était déjà plus maintenant l'accès, oui, qui était déjà plus financé d'ailleurs par les allocations familiales des étrangers en France qui n'avaient pas leur famille ici. Le plus gros de son financement, ça logiquement venait de là. Bon, donc le FAS et on n'a pas eu tout de suite les collectivités territoriales. Hein. Donc là, il y a Jacques Sonsin qu'on a pris en poste, si ma mémoire est bonne. Peut-être pas tout de suite, on avait pris déjà Gérard Monnier-Beson, qui lui était issu des Amis de la Terre, hein, qui était un des militants écologistes les plus en vue sur Marseille, qui est devenu député européen, et c'est à ce moment-là qu'il nous a quittés. Après, bon, maintenant, il s'est perdu. Hein. Après, il a suivi Wechter alors que les autres devenaient un peu plus fréquentables. Mais bon. Et puis aussi, il y a eu trois postes. Un poste avec quelqu'un qui gérait un peu la tambouille, quoi, le lien, la présence, le lien entre les gens à l'intérieur de la radio. Voilà. Et donc ça, on a commencé à institutionnaliser plus ou moins, hein, au fur et à mesure, la radio jusque dans les années 90, avec une montée en charge entre-temps de tout ce qui était les emplois aidés, les TUC, les TAC, les CES, je me rappelle plus, il y a eu tout plein de dispositifs permettaient d'avoir des tas de personnes qui venaient à la radio pour faire parce qu'ils aimaient faire ça comme expérience professionnelle. Voilà. C'est-à-dire, en fait, la radio, elle fonctionne avec quelques salariés et puis... Des contrats aidés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a aujourd'hui... moins de contrats fixes qu'on en avait à l'époque. On a moins de moyens, finalement. Parce que les contrats aidés sont de moins en moins aidés. Mmh. Voilà, la période des emplois jeunes était une période bénie. Mmh. Hein? Et, voilà. Donc, c'est plus le cas. Donc nous, même maintenant, on a une personne qui travaille à 35 heures et à 120% du SMIC, alors que ça fait 10 ans qu'elle travaille avec nous. D'accord. Et moi, qu'on rémunère symboliquement la moitié du SMIC, mais ça va, heureusement, je travaille aussi à d'autres trucs qui me rapportent un peu de pognon. Bonjour à tous, à l'émission La Voix du Yémen, en ce jour du 14 mars 2008. Donc, marhaba boukoum la da'at sawt al Yémen. هذا اليوم الجمعة جمعة 14 مارس عام 2008 ميلادية جمعة مباركة إن شاء الله et donc on va donc poursuivre la chronologie de l'histoire du Yémen vers la République, donc le long cheminement du Yémen vers la République. On en était resté à l'assassinat de l'imam Yahya, donc qui régnait depuis le début du siècle, depuis 1904 sur le Yémen, et qui avait donc été assassiné le 17 février 48. Donc on va voir aujourd'hui la dernière phase qui va mener donc de l'imamat au Yémen jusqu'à la République le 26 septembre 62. Donc c'est ce qu'on va voir grâce à un support quand même documentaire d'après le support du commentaire du livre de M. François Burga, Le Yémen vers la République, Al-Yémen Hol Jumhuriya. Ce M. François Burga, donc, nous inviterons à une prochaine émission, probablement d'ici 2 semaines. Donc on vous tiendra au courant de sa venue pour un commentaire de cet ouvrage sur le Yémen. Donc on parlera aussi de la façon dont on peut se le procurer, puisque cet ouvrage n'est pas en vente en France, mais est publié au Liban. Donc on le trouve que dans certaines plus bibliothèques spécialisées, on peut dire même dans une seule à Marseille, la bibliothèque du Centre culturel et d'information sur le monde arabe, au 13 boulevard Saint-Sabournin, dans le 5e arrondissement, où il faut joindre Madame Victoria Yarmour, qui donc a quelques exemplaires de cet ouvrage magnifique avec des photos d'archives historiques sur ce Yémen du début du XXe siècle. Des photos historiques, puisqu'il faut savoir que dans ce pays, les photos étaient interdites au début du siècle. On parle d'une histoire peu connue et à partir d'un livre quasiment indisponible en France, pas de doute, on est bien sur une radio libre. Et cette radio libre, c'est Radio Galère, donc on vient d'entendre un extrait d'une de ses émissions, La Voix du Yémen. On continue toujours dans l'intempestif sur fréquence Paris Pluriel à parler de l'histoire de Radio Galère avec Étienne Bastide. Comment vous avez structuré la grille de Galère au début C'est ce que je t'ai dit, là, c'est un coup d'affrontement verbaux dans les assemblées générales du lundi. Et puis petit à petit, les choses se sont plus ou moins mises en place. Là, c'est des grilles récentes que tu as. Et elles sont stables, hein, à mon avis. Elles sont vivantes, oui, elles peuvent changer. Il y a des gens qui ne sont pas là pour l'éternité. Mais globalement, la radio... Elle présente ce visage-là, c'est-à-dire des missions hebdomadaires d'une heure à 2 heures maximum, surtout week-end, hein, les 2 heures, depuis des années. Est-ce que tu peux décrire un peu le type d'émission qu'il y a sur l'antenne ? Il y a d'abord, globalement, ce qui structure la radio, c'est quand même la présence salariée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas demander forcément à des bénévoles, par exemple d'être là à 8 heures du matin pour faire les infos. Ça, c'est assez rare, les bénévoles qui sont disponibles chez nous, il y en a encore quelques-uns. Enfin, il y a par exemple Christine le lundi, il y a Max le mardi, mais le reste du temps, donc c'est un salarié, c'est Hussein Mamzamadi qui se le tape. D'accord, il fait aussi les infos de midi avec d'autres gens. Enfin, bon, là, on avait la chance en plus, et c'est souvent le cas quand même. Il n'était pas tout seul pour faire les infos de Cotron Minet, puisqu'il y avait des stagiaires de l'école de journalisme de Marseille. Donc, elle découvre qu'on peut aussi faire de la radio sans formater, sans forcément, tu vois, se réduire à 5 minutes de bulletin. Enfin, voilà. On a des magazines, on va faire un peu dans la culture déjà. On a des magazines sur le cinéma, on a des magazines sur le théâtre, on a des magazines sur la littérature. Il y a une politique quand même musicale qui est menée dans les espaces, j'allais dire, intermédiaires. Il y a toujours des ajustements à faire ou des trucs comme ça pour la programmation, y compris la programmation de nuit. Parce que nous, on rediffuse à la nuit ce qui est fait dans la journée. Il y a des programmes de 8h du matin à 22h. Et entre 22h et 8h du matin, ce sont des rediffusions de ce qui est fait dans la journée. Mais bon, globalement quand même, sur les programmations musicales, quand il y a des émissions absentes ou qu'il y a un peu d'espace libre dans cette grille de rediffusion, on fait attention que ce soit des gens d'ici, en général des nouveautés. Il y a aussi des émissions qui sont consacrées à leur promotion, qui sont faites y compris par les organisateurs de spectacles ici, Micmac, Chourmont, etc., etc. Des trucs comme ça. Bon, ce sur quoi on met l'accent aussi, c'est sur le fait que les gens ils viennent de toute la ville pour faire leurs émissions, et on leur demande d'être le plus en rapport avec d'autres gens de quartier, d'avoir des invités, de les faire venir, tu vois, pour que ça brasse un peu tout ce qui peut se passer, qu'on ait de l'info à la fois sociale, culturelle, associative sur ce qui se passe aux quatre coins de Marseille, enfin dans les 16 arrondissements de Marseille. Voilà. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre dans les programmes, à proprement parler, parce que là, est-ce que je t'ai décrit vraiment nos programmes? Je vais reprendre la grille. On va reprendre la grille, ça sera peut-être plus facile sur un certain nombre de trucs. Oui, on a pas mal de magazines. Qui sont des magazines dédiés à des salauds de peau. Je pense au magazine Sans Papiers, qui est fait par Roussel, qui était un ancien porte-parole des Sans Papiers, du temps où il était sans papiers. Donc on l'a embauché depuis qu'il y a des papiers. on a le magazine Coma Guerre, on a un magazine de géopolitique qui est vachement bien foutu, avec Bernard. On a une émission femme tous les mardis, et pas seulement le 8 mars. On a chaque semaine une heure en Palestine. On a chaque soir entre 18h et 19h dans les jours ouvrables des infos qui sont animées par des gens différents, qui ont des points de vue quelquefois un peu variés sur l'actualité, qui choisissent ce qui développe. Dans les infos. On a un travail magnifique qui est fait par notre ami Camar, qui fait l'émission Aragas, les clandestins. Alors lui, c'est sa spécialité, il faut quand même aller le faire, c'est avec son appareil, c'est carrément à Noailles, demander au mec qui vend des clopes si tout va bien pour eux ce matin. Ça ne va pas toujours très bien pour eux le matin. Ou encore d'aller à la Renault, dans des expulsions locatives, tu vois, pour faire le lien aussi avec les populations roms qui errent dans la ville ou des choses comme ça. Et son émission s'appelle Aragas, c'est les clandestins normalement algériens, mais il va bien au-delà dans sa façon de travailler. Bon, on a quoi ? Algérie, lutter pour espérer. Donc il y a des trucs qui sont pas des émissions communautaires, c'est-à-dire qui ont un sens de lutte pour essayer d'avancer dans le combat pour un certain nombre de valeurs. Je pense il y a aussi il y a deux émissions comoriennes qui ont une opinion différente. Sur la façon dont ça se passe aux Comores, une qui pense que qui est plus proche de la présidence et de la gouvernance actuelle des Comores, et une autre qui est animée par quelqu'un qui est honni justement par cela, parce qu'il prétend qu'il est indépendantiste en Joannais, alors que simplement il défend ça. Il dit que les grands Comoriens se battent l'œil des autres îles des Comores et que c'est pas normal. Alors à tel point que le copain, quand il est allé, il est rentré chez lui en vacances cet été, il est allé passer, normalement il devait y passer 15 jours, on lui a piqué son passeport, on l'a amené direct à la police, hein. Il a fallu qu'on intervienne auprès de la présidence comorienne pour qu'il le libère. Mais ils lui ont piqué son passeport, ils ne l'ont jamais rendu. Voilà, il est repassé par Mayotte pour rentrer, quoi. Avec sa carte de séjour. Ça, c'est dire, quoi, que c'est parfois un peu brutal. Mmh. On peut faire... Parce que, l'air de rien, la plus grande île, finalement, des Comores, bientôt, c'est Marseille. D'ailleurs, il y a plus de Comoriens sur Marseille que sur n'importe laquelle des îles des Comores. Enfin, j'exagère, d'accord. Mmh. C'est pas très sympa, mais disons que c'est la plus grande ville des Comores, quoi. Marseille, voilà. Et donc, tout ce qui se passe ici... Hein, est écouté là-bas et a des effets réciproques. Voilà. On avait des gros bras aussi qui sont venus nous dire « Faut arrêter cette mission et tout, sinon on va vous casser la gueule. » Non. Comment vous conciliez le fait d'avoir deux émissions Ben justement, ça fait qu'on a fait une ouverture avec la deuxième émission, les Voix des Îles, qu'on a reprise le samedi, c'est justement pour compenser le fait que systématiquement, ils nous disaient qu'il faut arrêter l'émission comorienne du dimanche. Non, on ne veut pas arrêter une émission. Si vous voulez faire une contre-émission, faites une contre-émission. Enfin, faites quelque chose. Et on va voir s'ils tiennent le coup, parce que Hulsen, ça fait 20 ans qu'il est sur la zone de galère. Mmh. D'accord ? Et qu'il assure son émission tous les dimanches. Bon, il y a des émissions comme ça aussi qui sont plus ou moins quand même des émissions à caractère communautaire. Les émissions italiennes, les émissions grecques, les émissions kurdes. Encore que là, il y a des choses à défendre. Hein. Il y a la Voix du Cap-Vert, il y a la Diaspora, deuxième mi-temps, des Africains. Alors, ensuite, moi je classe dans les communautaires aussi la Musette, tu sais. Il passe de l'accordéon le dimanche matin. Bon, pour moi, c'est vraiment une émission communautaire. Alors là, t'as tous les vieux qui sont agglutinés. Voilà, c'est... Bon, passons. Mais bon, il y a aussi d'excellentes émissions avec des thématiques musicales précises, hein. Jazz Hunter. Bon, donc j'en étais dans le communautaire ou pas communautaire. Nous, de toute façon, on a l'exigence que ces émissions soient toutes bilingues, de façon à ce qu'on puisse les écouter. Parce que si ça parlait uniquement étranger... Ça servira que dalle aux autres. Hein. Bon, il y a aussi les émissions Parloir Libre. Alors ça, c'est destiné donc aux prisonniers des Boumettes. Donc on en a deux. Quand on a inventé ça sur Marseille. Et nous, on en a carrément deux. Voilà, tu vois, mais on a aussi Electro-Rosen. On a des trucs avec des spécialistes de l'électronique. Hein. Tu vois, on a des émissions d'Amérique latine aussi, j'ai oublié. On a la haine des chaînes, on a des gens un peu fous, Dissensus, c'est un journal qui tient sur Marseille depuis des années avec d'excellents écrivains qui font des trucs complètement cinglés à l'antenne, c'est excellent. Mais tu vois, il y a aussi dans le genre magazine, je n'ai pas cité tout à l'heure, il y a Une Heure avec un peu de dignité, c'est Amnesty International qui anime ça. Mmh. Voilà. Mais comment tu définirais la ligne éditoriale de Radio Galère, de manière plus générale ? Alors, ce n'est pas une ligne éditoriale, c'est une charte. La charte qui nous unit, elle est relativement claire. C'est-à-dire, du moment qu'il n'y a pas de sexisme, pas de racisme, pas de prosélytisme religieux, et que ça défend un certain nombre de valeurs, et que, globalement, ça n'agilit pas les gens. Dans ce qui est fait, et que les projets sont intéressés, agréés par le conseil d'administration, ben, tout peut se faire. Le problème maintenant, c'est qu'on a souvent des demandes qu'on ne peut pas satisfaire faute de place. Voilà. Mmh. Okay. Encore que tu en as beaucoup qui sont enregistrés. Beaucoup des programmes de 22 à 24 heures, parce que de toute façon, ici, ça ferme à 22 heures. Hein. Quand ce sont des programmes originaux entre 22 et 24 heures, c'est que c'est pré-enregistré. Mmh. Donc on va au-delà de simplement la période d'ouverture de la porte, quoi. Mmh. Bon, et ça c'est grâce aussi aux outils informatiques, c'est-à-dire qu'il y a une révolution qui s'est faite là, ça fait 3-4 ans maintenant, c'est la révolution numérique, Et ça a changé beaucoup de choses sur la façon de fonctionner, même de concevoir les émissions. Voilà. Mmh. Okay. Bon. Et on a encore beaucoup, nous, c'est pas vraiment un format de radio normal, c'est-à-dire de gens qui vont faire leurs émissions en assurant eux-mêmes la totalité de leur technique. Et ça, bon, on peut dire que ça, il y a eu une amélioration de la qualité technique d'un certain nombre de gens depuis qu'on est passé au numérique. En fait, il y a toujours des branques qui vont faire des conneries. Mais... D'accord. Il y a toujours des gens qui vont être maladroits et qui vont faire des erreurs techniques malheureuses. Je garderai la deuxième prise. Voilà, c'est mieux. on a aussi les émissions sur l'environnement, j'ai oublié ça. D'accord. Avec Ecoforum, ça c'est vraiment les spécialistes de l'environnement. Ils squattent toutes les radios de Marseille et la nôtre en particulier. Puisque chez les autres, on leur donne un peu une demi-heure, je crois, alors que nous, on leur donne une heure. Salut, bienvenue pour un opus, un nouvel opus de l'émission N des chaînes, une émission de classe qui en appelle au saccage. Un salut tout particulier à tous les exilés, à tous les emmurés vivants, à tous les enfermés dehors, à tous les émotifs. Vous pouvez nous joindre au 04 91 08 28 10 au 28 15. On a aussi un site internet qui ne marche pas très bien en ce moment, qui va remarcher un jour, ndeschaines.free.fr. De la victime dans notre chère société de merde, ou alors de la victimisation. Voilà, n'hésitez pas à nous téléphoner pour nous donner vos petits avis et la petite phrase du soir. Si les innocents méritent notre soutien, certains coupables la méritent encore plus. La vie commence dans la lutte. C'était un extrait de La haine des chaînes dont Étienne Bastide nous a parlé précédemment. On continue avec lui, toujours dans l'intempestif sur Fréquence Paris Pluriel, l'histoire de Radio Galère. Vous travaillez avec d'autres radios ou pas, dans le, soit à Marseille, soit dans la région, soit au-delà? On a beaucoup, quand il y a des trucs un peu sympas, on peut les faire avec Grenouille, ils sont nos voisins. Mmh. Hein, on a fait pas mal de trucs avec eux. Souvent les fêtes de la musique ou je sais pas, un festival de l'océan Indien ou, enfin, des trucs voilà, quand ils s'y mettent un peu et réciproquement. Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes installé donc Radio Galère et Radio Grenouille à la friche de la Belle de Mai. C'est ça. Vous y êtes depuis combien de temps? Alors, je vais pas répondre à ta question parce que je m'aperçois que dans le programme j'ai oublié quand même un truc important qui est l'EPRA. On reçoit, je crois, 4 heures de programme par jour et on en rediffuse en moyenne 1h30. Entre ce qui est indicé comme marqué dans la grille reportage EPRA et puis les petits éléments sonores que Sidi, qui fait le tri, peut te remettre parce que justement ce qu'il a trouvé dans la grille de l'EPRA correspond avec les thématiques que tu aimes développer ou que tu développes de façon habituelle. Donc il va te mettre de côté un petit fichier et tout, donc tu vas pouvoir... Voilà, ça c'est quand même formidable. Et en plus c'est à double entrée, c'est-à-dire qu'on a ces programmes qui viennent d'autres radios, hein, qui sont souvent riches et intéressants, et il y a aussi des gens de chez nous qui vont produire pour l'EPRA des émissions et qu'en plus ça va rapporter des sous. Ouais, ça c'est pas mauvais du tout ça, les sous. On aime beaucoup les sous à Galère. Hein? Bon, là, on a fini, là. Non, attends. Bon, dis-moi. Non, quelle était la question? La question, c'était depuis quand vous êtes à la friche de la Belle de Mai et où est-ce que vous étiez avant? Alors, tu réponds dans l'ordre que tu veux. Ben, je vais répondre dans l'ordre où je veux. Donc, j'avais parlé donc, de ces studios dans les lofts réaménagés du domaine Ventre, hein, sur le boulevard des Dames. Ensuite, on est allé sur le port, un local sympa à la rue de la Coutellerie. Ensuite, à la Plaine. Alors, à la Plaine, à la rue de la Bibliothèque, ouais, c'était sympa. Il y avait un grand jardin, mais il y avait des voisins un peu chiants qui ne portaient pas trop le bruit. Donc, on n'a pas pu vraiment faire ce qu'on voulait là-bas. Et puis ensuite, on est venu ici parce que, à un moment donné, ça devenait un peu trop cher le loyer pour réussir à fonctionner. C'est-à-dire que moi, j'ai été salarié de 90 à 95, et puis de 2000 à maintenant. Et c'est vrai que quand je suis parti en 95, je suis resté en tant que bénévole. Hein. Je suis allé, donc j'ai continué à faire les émissions et puis quand même vérifier un peu les trucs de loin, quoi, en tant que membre du conseil d'administration. Mais j'étais plus salarié ici. Hein. On a profité pour faire une radio à Vitrolles, que j'ai appelée radio provisoire puisqu'elle était temporaire, qui servait de support pédagogique pour des stagiaires de Léo Lagrange Animation. Et donc, il s'est trouvé qu'on avait des autorisations temporaires pour les vacances pour que ces stagiaires en formation puissent apprendre à mener des ateliers en direction des publics, hein, vers lesquels ils travaillent. Et quand les immigrés sont arrivés à la mairie, comme par hasard, là, ils ont pu trouver de fréquences, hein, du côté du CSA. C'est impossible à trouver. Bon. Donc, on s'est mis très en colère. Et on a obtenu, en fait, beaucoup plus que ce qu'on avait demandé. Il a fallu assumer derrière, puisqu'on a eu la fréquence à animer en permanence, avec des autorisations de 6 mois en 6 mois. Voilà. Donc, c'est un peu une danseuse. Hein. Ça a été très dur, ça, comme période. Mais là, je parle personnellement. C'est pas Galère qui était impliquée dans cette affaire. Mais là, je te parle de cette radio provisoire de Vitrolles. On voulait faire... Vitrolles permanente, vipère. C'est un rocher en plus derrière lequel on peut se cacher pour ensuite cracher son venin. À Vitrolles, au moment où les Maigret étaient là, c'était le seul espace de liberté pour les jeunes. Parce qu'ils avaient fermé le. Ils avaient giclé le Massilia Sound System, ils avaient donné leur salle aux pêcheurs. Ils avaient giclé les jeunes de leur salle où ils se réunissaient le soir sous la conduite de médiateurs et d'animateurs. Ils avaient filé aux chasseurs. Quand ils se baladaient dans les parcs, c'était... Les municipales les chassaient parce que ça dérangeait, soi-disant, les riverains. Ils sont allés jusqu'à soutenir des gens qui ont tiré sur des jeunes. Ils faisaient trop de bruit sur une place du côté de la municipalité. Ça veut vous dire jusqu'où ça allait. Les flics municipaux... dissimulés, ont attaqué un barrage routier de la CFDT routier qui était sur l'Anjoli. Enfin, il y avait des trucs d'une violence inouïe. Et c'est délirant. C'est-à-dire qu'en plus, les quartiers les ont rendus dans l'état où ils auraient aimé qu'ils soient. C'est-à-dire des jeunes haineux vis-à-vis de l'autorité, etc. Alors que ce n'était pas le cas avant. Voilà. Bon. Et donc, le seul espace de liberté, ça a été cette putain de radio. Et en fait, ils se sont bien tenus, les jeunes, hein, puisqu'ils ont bien suivi les consignes de raisonner, de réfléchir, de dire des choses intelligentes, de ne pas injurier, de ne pas insulter. Et en fait, on n'a jamais été poursuivis pour ce qu'ils ont pu faire sur cette radio. C'est quand même assez fort pendant tout le temps de la présence des Maigret à Vitrolles. Et alors, fin 2002, on nous a dit, bon, maintenant, vous pouvez arrêter parce qu'on va vous donner une autorisation définitive. Ça avait été promis par Bourges et ça avait été promis par... Et comme par hasard, quand Baudis s'est passé, ben là, c'était plus bon. On ne l'a pas eu une première fois. Ensuite, ça a été Baudis, il a promis qu'on l'aurait. Et ils l'ont filé à Mamie Nova, là, celle qui fait dans le yaourt. Radio Nova. Voilà, réseau parisien de Monsieur Bizot. Mais il est mal fini, ce peu cher, pauvre homme. Paix à son âme. Voilà. Ça te va? Galère, donc Groupement Associatif pour la Liberté de l'Expression Radiophonique. Je ne sais pas si je t'ai dit, mais c'est un acronyme. Ouais. Je t'ai dit. Voilà. Ça s'appelle un acronyme. Il y a eu des luttes pour conserver la fréquence. C'est une bataille chaque fois. C'est-à-dire que si on n'est pas dans un rapport de force favorable, on l'aurait perdu. Mmh. Hein? Bon. Donc là, on a déposé un très bon dossier. Et comme on avait déposé un très bon dossier, on a conservé notre fréquence. D'accord. C'est ça que tu voulais savoir? Non, je ne sais pas, c'est suivre les évolutions. Non, ça veut dire qu'on est reconnu. On est reconnu. Et bon, parce que au départ, les collectivités territoriales, par exemple, ne suivaient pas. Mais depuis maintenant une dizaine d'années, on a des subventions très sérieuses, de la part même de la ville de Marseille, du Conseil général, de la région. Hein. Et donc, ça veut dire qu'on a réussi à convaincre de notre utilité dans le paysage radiophonique marseillais. Mmh. C'est pas simplement pour nous faire plaisir ou clientéliste, parce que de toute façon, on ne va pas voter pour eux. Hein. Mais non, je plaisante. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. Bon, attendez. Non, je pense que j'ai oublié plein de trucs. Et puis, d'oublier. Il y a un truc surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est la force d'une équipe, quoi. Le conseil d'administration il change tous les ans, il y a à peu près 25 personnes, ça tourne plus ou moins, il y a un turnover. Mais il y a quand même un noyau central de gens qui sont là depuis 20 ans. Et je pense que là, il y a des choses qui sont indéfectibles et puis des choix qu'on a fait tous ensemble sur lesquels on ne reviendra pas. Je veux dire, sur la pub, la qualité éditoriale, sur le fait de se dire tout le monde peut s'exprimer à part par les fachos. Voilà. Hein? Bon, c'est bien. Hein? C'est ouvert. L'intempestif s'est terminé pour aujourd'hui. On était donc avec Étienne Bastide, un des fondateurs de Radio Galère, une radio militante marseillaise. Cette émission sera rediffusée lundi à 11h sur FPP. Elle sera ensuite disponible sur www.intempestive.net. Et vous pouvez aller également faire un tour sur le site de Radio Galère, où vous trouvez un streaming et des émissions archivées, radio.galère.free.fr. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.